reconnaissance aux bactéries chez la vocale déjà. Ils disent moi j'ai l'œil, c'est la roule pas, Dre Charles. Le rap là c'est las, ils parlent trop d'alcool, ça me saoule. Comme les pneus de maquette, ben moi je tourne en rond chaque jour. Moi rapper jamais, tout ça c'est parti d'un délire. Ils m'ont dit toi t'es timbré, j'ai dit je suis pas philatéliste. À vrai dire je baratine pas, je suis pas un Tommy comme il dit. J'entends des thémas comme il dit dans les protos, ni comme il dit. Petit, je suis pas dans le clash, constate que les concurrents se battent. Le vrai motif du recalage, t'es trop con, toi tu rentres pas. Ils m'attendent pas dans la lumière car j'ai fait trop de son d'arc. Des bâtons dans les roues, tu parles des gros troncs d'arc. Au total, l'amitié est borge, constate que tout est cher. Quand les soucis tournent en boucle, il faut que je trouve la touche échec. Vous tes mecs, c'est quoi? Un questionnaire, ma pile. Le rap a changé comme les filles qui se battent comme Emma Pile. Enfile un casque, ça peut faire mal quand les couplets tombent. Écoutez donc, j'ai le cafard, j'écris, je mets pas un coup de bégon. Leur flot tombe à l'eau. Donc vers le fond, moi j'ai mis le cap, le sens c'est l'essence de ma rime. Donc j'ai rempli des jerrycans. Ils veulent te mettre au plus bas, disent que la cave est habitable. La plupart font de la zik, comme Manitas de la bitasse. J'y vais qu'un, je veux que tu saches, histoire que tout soit clair. Ils sont trop jeux vidéo, donc ils parlent tous rap game. On fait tous de la zik, ok, mais moi je compte pas les fans. Pour le succès, j'ai pas le profil et j't'ai même pas à parler de face. Tout ce qui fâche, pour te le dire, il faudrait plus d'altis. Y'a plus d'artistes, plus d'électro que dans une pub d'arty. Plus j'abîme et plus mon mic aime ça. Mon opinion, comme François Pignon, faut qu'on maquette ça. Y'a pas de message, pas de message, ils parlent en SMS. Que ceux qui ont des rimes en bois se préparent et partent dans les CV. Le savoir est une arme, la mettre en panne a priori. On aime laisser des drapes logo, parental advisory. Comme les accros de la FDJ, faut qu'on gratte là. On est comme les claviers pour myope, il faut qu'on frappe large. Y'a des sales tâches et une boucherie, y'a des bouts de nos vies débités. Y'aura des moqueries évitées, pas de smoke ou d'évridé. Ce mec me fait vibrer. Quand ils m'appellent en mode silence, la zik est universelle et vont le comprendre en moins de 6 langues. Ici je lance que j'ai à dire, les Ginali que j'ai haï. J'arrêterai quand le monde sera gay, attends je te les pèle, j'ai haï. Envahi d'autotuné, pire que dans Pip My Ride. Le compte a découvert, ton effuite malade. Voilà des scuds qui tuent, non, des mots de tête dus aux migraines. Dis-tu-né, ils prennent leurs jambes à leur cou comme Johnny Clegg. Ils ne veulent pas s'y mettre, t'écoutes si t'es l'ami d'un tel. Y'a pas de fan en deuil comme Highlander, ils m'ont déjà pris la tête. Ils visent la prince à terre, enfin, c'est le thème de leur compil. Ils s'y croient mais n'ont rien vu comme leur sapin. Les groupes y mettent la main au panier comme LeBron James. Être con ça ils s'en fichent et s'enfilent comme des brochettes. On fait tous de la zik, ok, mais moi je compte pas les fans. Pour le succès j'ai pas le profil et j't'ai même pas à parler de face. Tout ce qui fâche pour te le dire il faudrait plus d'altise. Y'a plus d'artistes, plus d'électro que dans une pub d'arty. Plus j'abîme et plus mon mic aime ça. Mon opinion comme François Pignon, faut qu'on maquette ça. Y'a pas de message, ils parlent en SMS. Que ceux qui ont des rimes en bois se préparent et partent dans les CV. On fait tous de la zik, ok, mais moi je compte pas les fans. Pour le succès j'ai pas le profil et j't'ai même pas à parler de face. Tout ce qui fâche pour te le dire il faudrait plus d'altis. Y'a plus d'artistes, plus d'électro que dans une pub d'arty. Plus j'abîme et plus mon mic aime ça. Mon opinion comme François Pignon, faut qu'on maquette ça. Y'a pas de message, ils parlent en SMS. Que ceux qui ont des rimes en bois se préparent et partent dans les CV. On fait tous de la zik, ok, mais moi j'compte pas les fans. Pour le succès j'ai pas le profil et j't'ai même pas à parler de face. Tout ce qui fâche pour te le dire il faudrait plus d'altis. Y'a plus d'artistes, plus d'électro que dans une pub d'arty. J'abîme et plus mon mic aime ça. Mon opinion comme François Pignon, faut qu'on maquette ça. Y'a pas de message, ils parlent en SMS. Que ceux qui ont des rimes en bois se préparent et partent dans les CV.